de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous dans les studios de RGM. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Lise. Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, ça va bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots nos auditeurs? Oui, eh bien je m'appelle Marie-Lise David et je représente ici les jardins en terrasse de Plombières dont je suis la présidente depuis maintenant 3 années. Et justement, c'est quoi les jardins en terrasse? Alors les jardins en terrasse, bien c'est plusieurs choses. C'est d'abord un site de quelques 4 hectares qui se trouve à Plombières-les-Bains, sur lesquels il y a des jardins paysagers, maraîchers, un acroterrasse, un chalot, c'est-à-dire un bistrot où l'on peut boire, acheter des produits transformés par les jardins. C'est un lieu d'accueil de public, de scolaire pour faire de l'animation développement durable. Et c'est un lieu aussi où il y a des concerts en été. Et pourquoi ce nom, les jardins en terrasse? Alors tout simplement à cause de la configuration de Plombières, qui est dans une vallée avec des coteaux assez étroits. Et ces coteaux-là sont aménagés en terrasse avec des murs de pierre qui soutiennent ces terrasses. Et c'était autrefois, il y avait déjà des jardins qui occupaient cette partie-là de Plombières et qui ont été remis en état par l'association Les Jardins en Terrasse. Il y a de ça quelques 27 ans. Elle existe depuis 27 ans, l'association? Voilà. C'est ça, son existence est à 27 ans. Est-ce qu'il y a une petite histoire sur la création de l'association? Alors, la création de l'association, oui, on peut dire qu'il y a une petite histoire. Un des membres de l'association était animateur à l'époque à Gassy, qui est une association Romarie-Montaigne d'insertion, et ils avaient un travail d'élagage à faire sur ce coteau qui était boisé, qui n'était plus entretenu, alors que ça avait déjà été des jardins bien avant, des jardins des hospices de Plombières et des jardins aussi qui pouvaient être entretenus par des habitants de Plombières, mais tout ça était complètement terminé. Et quand il a travaillé sur ce site avec son équipe, il s'est dit « mais c'est quand même un magnifique endroit, c'est quand même très bien placé ». Et pourquoi ne pas relancer des jardins à cet endroit-là? Et donc, avec des amis à lui qui étaient engagés au niveau social, tant au niveau de Plombières que sur le secteur de Remiremont, ils ont créé l'association. Ça a démarré comme ça. Ils ont commencé, un peu de défrichage et commencé des jardins, surtout là, maraîchers, la culture. Et ça s'est développé d'année en année pour devenir un site beaucoup plus vaste et bien plus diversifié que ça ne l'était au départ. Est-ce que vous êtes là depuis la création de l'association, vous? Non, pas du tout. Moi, je suis dans l'association depuis une dizaine d'années. Et en tant que présidente? En tant que présidente depuis 3 ans. Vous étiez bénévole au début? J'étais bénévole au début, oui. J'ai rejoint l'association parce que j'y avais des amis. Et j'ai commencé vraiment, bénévole. Derrière le bar, à faire des frites quand il y avait des manifestations. Bref, bénévole de base. Et après, j'ai intégré le conseil d'administration, après le bureau. Et pour finir par en devenir la présidente. Et qu'est-ce que vous faites en tant que présidente de l'association? Alors, le rôle de la présidente d'une association comme ça, c'est déjà de représenter cette association au niveau des tiers. Je suis l'interlocutrice, je suis celle qui est quelque part la garante de toutes les actions d'association, puisque ma signature est sur tous les documents, on peut dire ça comme ça. Mais c'est aussi et surtout un rôle au niveau de ce qu'on appelle le bureau, qui est la gouvernance de l'association. C'est un rôle de médiation, de coordination, d'être dans ce travail collectif, je dirais pas le leader, mais d'être garant de la qualité de ce travail collectif et donc garant du fonctionnement de l'association. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents actuellement à l'association? Les adhérents, on a un peu plus d'une cinquantaine d'adhérents, c'est-à-dire de personnes qui ont pris une cotisation et qui ne sont pas forcément bénévoles. Le noyau dur de bénévoles, on va dire qu'il y a une dizaine de personnes, plus un noyau vraiment très actif, qui sont les membres du bureau. Où là, ça représente 5 personnes qui ont vraiment une présence et qui effectuent des tâches, tout ce qui tourne autour de la gouvernance de l'association. Il y a des bénévoles, mais il y a actuellement des salariés au sein de l'association? Alors, il y a bien sûr des salariés. Les jardins en terrasse sont un atelier chantier d'insertion. Ça veut dire que nous accueillons des personnes qui ont besoin d'être aidées pour mettre en place un parcours professionnel ou se réinsérer socialement et professionnellement. Donc ces personnes-là, bien sûr, doivent être encadrées. Et pour cela, nous avons deux encadrants techniques. Nous avons une personne qui assure leur suivi socio-professionnel, c'est-à-dire qui va les aider dans l'élaboration d'un projet professionnel. Nous avons une coordinatrice, parce qu'il y a tout un travail, bien sûr, de gestion, un travail administratif. Nous avons un comptable à temps partiel et nous avons sur les jardins quelqu'un qui s'occupe du maraîchage aussi à temps partiel. Et pour les bénévoles, qu'est-ce qu'ils font à l'association ? Alors, les bénévoles vont être sollicités essentiellement, si je ne parle hors des membres du bureau, les bénévoles vont être sollicités essentiellement sur toutes les manifestations. Donc, ce qu'on appelle manifestations, ce sont les concerts en été. Il y a 4 concerts en été, on y reviendra peut-être. Et puis, il y a l'animation du marché de Noël, où là, pendant les 4 week-ends du marché de Noël de Plombières, nous sommes très présents avec un bar, avec des animations aussi. Donc, les bénévoles sont appelés à venir là, enfin, c'est même plus que donner un coup de main, à tenir les différents postes. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association si on veut en faire partie ? Tout simplement en appelant les jardins en terrasse à Plombières et en disant que voilà, on est intéressé par cette association, qu'on a envie d'en faire partie, tout du moins de découvrir le bon moment pour découvrir, je pense, c'est de venir sur une des animations d'été, c'est de venir à un concert qui se passe sous la grande halle et de voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, ça va permettre de nous rencontrer, puisque bien sûr nous y sommes, et de discuter avec nous. Après, il est tout à fait possible de demander un rendez-vous pour venir discuter de l'association dans nos bureaux. Il n'y a pas de problème non plus pour ça. Toutes les associations ont besoin de bénévoles. Est-ce que vous voulez lancer un appel à nos auditeurs ? Ah ben tout à fait, tout à fait. Nous aimerions élargir notre cercle de bénévoles et surtout peut-être vers des plus jeunes pour créer peut-être une autre dynamique, des autres envies, avoir des autres idées, puisque bon, l'ensemble des bénévoles, je vais pas dire que nous sommes des vieux, c'est pas bon, mais enfin bon, essentiellement des retraités. Donc oui, un grand appel à des retraités aussi, hein, il y a pas de souci, mais on aimerait avoir des bénévoles plus jeunes et même vraiment de la génération des gens qui ont la vingtaine et peut-être même moins, quoi. À partir des 18 ans, on peut être bénévole dans une association comme ça, mais ça, on aimerait avoir des jeunes qui nous rejoignent. D'accord, bah l'appel est lancé. L'association a 4 objectifs, à savoir le social, l'économique, environnemental et culturel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, l'objectif social, je vous en ai parlé. C'est un atelier chantier d'insertion qui a donc pour vocation d'aider des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires du RSA dans leur parcours de réinsertion. Donc ça, c'est le volet social. Le volet économique, c'est le fait que les jardins en terrasse sur Plombières, c'est quand même 15 000 visiteurs à l'année. Des gens qui viennent pour l'acroterrasse, des gens qui viennent à Plombières pour les jardins en terrasse, parce que c'est un site ouvert, c'est un site qui est très agréable, qui plaît beaucoup de par son côté fantaisie, de par son aménagement. Et donc 15 000 personnes qui viennent, 15 000 personnes qui de ce fait retournent ou découvrent Plombières, on est effectivement un acteur économique de la ville de Plombières. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler des différentes activités de l'association. On vous laisse avec Axel Red et son morceau Jardin Secret. À tout de suite sur Radio Guémozo. Dans mon jardin, tu peux Être toi ne craint rien puisque je te connais déjà. Cachons-nous ici dans mon jardin cette nuit. On vivra d'amour et d'eau pure. On sera tellement proche, nature. On laissera le vent rager, les fleurs nous entourer. Un peu comme si on avait toujours vécu dans ce jardin. Oui, on peut être nous, ne craint rien puisque on le garde secret. Notre cachette, et quand le monde nous plaît pas, que personne nous comprend, on reviendra si ressourcé, on reviendra se ressourcer dans mon jardin. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Marie-Lise. Sur votre site internet, on peut voir qu'il y a une rubrique loisirs. Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Oui, bien sûr. Les loisirs, c'est tout d'abord le parc Acrobranche. Nous avons trois parcours. Un parcours bleu, un parcours rouge, un parcours noir. Parcours bleu destiné aux enfants. Parcours rouge, enfants, adultes. Et puis un parcours noir qui est très sportif, très acrobatique. Donc nous sommes un des premiers Acrobranches sur ce secteur, puisque pour en trouver d'autres, il faut aller à Épinal ou alors aller sur Gérardmer ou la Bresse. Et loisirs, c'est aussi bien sûr se promener dans les jardins, apprécier les paysages, venir prendre un verre au chalot. C'est avec des enfants plus jeunes faire le parcours pieds nus. Et puis dans les loisirs, c'est venir aussi au concert et au marché de Noël. De plombière, évidemment. Il y a également la visite et prendre du bon temps. Qu'est-ce que c'est ? Prendre du bon temps. Eh bien, prendre du bon temps, c'est déambuler dans les jardins, y observer, regarder toutes ces diverses plantes, fleurs qui y poussent, qui y sont cultivées. C'est aller au chalot, s'asseoir à la terrasse du chalot avec la vue qu'on a sur Plombières. C'est aussi se mettre dans un petit endroit du jardin. Il y a plein d'endroits un peu en retrait où on peut se poser pour lire, pour regarder, méditer. Et puis c'est venir pourquoi pas avec un groupe d'amis faire une séance d'acroterrasse, comme ça arrive pour fêter par exemple vie de célibataire. On a des groupes de plus en plus qui viennent comme ça faire une séance d'acroterrasse, boire un verre pour marquer un petit événement. J'ai vu aussi que vous aviez des ventes de légumes. Oui, alors nous avons une serre, nous faisons d'abord nos plants et replants que nous vendons à la saison, enfin début du printemps, et nous cultivons dans la serre et en dehors sur des parcelles où on fait de la permaculture, on fait des essais maraîchers, donc oui, on peut acheter au jardin en terrasse des tomates, des betteraves, des pommes de terre, des courgettes, autres légumes de saison sur toute la période, on va dire, estivale et début d'automne. L'avantage de la culture d'un potager, c'est que les produits sont 100% naturels. Ah oui, nos produits sont 100% naturels. On n'a pas des co-certifications bio, puisqu'on n'est pas des producteurs maraîchers en tant que tels, mais c'est une culture tout à fait naturelle, sans aucun produit, aucun pesticide, etc. Travailler dans le respect de la terre et de nos idées, de nos convictions aussi. Sur votre site internet, on peut également lire qu'il y a une rubrique écologie avec par exemple la fabrication de purins d'ortie, comment faire son propre compost et jardiner naturellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Nous avons pour vocation aussi d'animer ce que nous appelons des ateliers d'écologie pratique. Cela se fait surtout avec des scolaires et les centres aérés pendant la saison d'été, où là, effectivement, on apprend à faire ces choses-là, on éveille à la biodiversité, au rôle de l'interaction entre les insectes, les plantes, tout ce qui touche à la biodiversité. On sensibilise et on a donc beaucoup de scolaires et parascolaires qui viennent participer à ces ateliers qu'ils couplent avec généralement une séance plus ludique à l'acroterrasse. Et justement, vous leur proposez quoi comme activité au scolaire ? Alors, il va y avoir des activités de petit jardinage, comprendre comment, par exemple, repiquer. Il va y avoir un travail autour du compost. On a différentes parties de compost. On a un compost un peu écologique. Il y a des jeux. Parcours découverte, et il y a toujours un atelier de fabrication d'un objet ou de quelque chose en lien avec la nature. Par exemple, un petit nichoir à oiseaux fait à partir de bouteilles, ou des ateliers de collage ou fabrication de bijoux ou de parures à partir de végétaux. On propose toute une série d'ateliers de cette sorte-là. Donc le programme est disponible essentiellement en appelant la coordinatrice, en disant voilà, je veux venir avec un groupe, j'ai tant d'enfants de tel âge à tel âge, et elle va vous envoyer la liste de tous les ateliers, de toutes les activités possibles. Et pour les activités, est-ce que vous accueillez par exemple des enfants de maternelle, ou c'est dès le primaire ? On peut accueillir des enfants de maternelle, il n'y a pas de souci. Ce sera plus simplement pour l'acroterrasse, il faut que les enfants mesurent au moins 1 mètre. Donc ça va être la limite. Enfants de maternelle, ils ne pourront pas, pour la plupart, faire des parcours acrobranches. Est-ce que vous ne proposez ces activités qu'en période scolaire ? Alors, en été, il y a beaucoup d'animations avec des centres de vacances, centres aérés, etc. Donc, c'est essentiellement sur la bonne saison. Évidemment, en hiver, il n'y a pas d'atelier. Mais on va dire qu'à partir du mois de avril, mai, juin et tout l'été, ces ateliers-là sont ouverts, sur réservation, bien sûr, puisqu'il faut organiser et l'accueil et l'animation. Et comment réserver ? En appelant les jardins en terrasse, vous tombez sur la coordinatrice et qui voit avec vous en fonction de votre demande, vos souhaits et bien sûr du planning d'occupation aussi, sachant que juin est par exemple un mois très demandé. Et qui s'occupe de tout ça ? Est-ce que vous avez une personne qui est spécialisée pour s'occuper des enfants ou pas ? Nous avons plusieurs de nos salariés en insertion qui se sont petit à petit spécialisés dans les animations et ces ateliers-là. Mais nous n'avons pas, pour le moment, d'animateurs à proprement parler. Les encadrants techniques font aussi de l'animation sur les jardins, mais nous n'avons pas de poste spécifique d'animateur, parce que tout simplement, pour des raisons financières, on ne peut pas augmenter le nombre de salaires permanents. Donc ça serait bien que quelqu'un se propose en tant que bénévole donc, pour le faire. Si nous avions, dans les appels à bénévoles, effectivement, quelqu'un qui a une sensibilité et une expérience en animation, bien sûr, ce serait Très bien. Tout comme si nous avions aussi quelqu'un qui a une compétence en communication informatique et qui puisse nous gérer correctement, nous créer un site et gérer tout ça. Évidemment, c'est l'idéal si c'est un bénévole. Et pour les activités, pour les réservations, c'est quoi le nombre maximum de personnes en groupe ? Quand vous venez avec un groupe, par exemple, si vous venez avec une classe, cette classe va être séparée en plusieurs groupes. Ça peut être en deux groupes, ça peut être en trois groupes, selon l'atelier que vous allez choisir. Mais vous pouvez venir avec une classe complète, venir avec deux classes, et donc la gestion des groupes se fera en fonction du nombre que vous êtes. Est-ce que les jardins en terrasse sont ouverts toute l'année ? Oui, c'est un site communal, il n'y a pas d'entrée payante, donc on peut se promener sur les jardins absolument toute l'année. Et hormis les scolaires, quel genre de public vous recevez ? Alors je dirais tout public, beaucoup de touristes, les curistes aussi. Bon, les curons sont repartis à Plombières, donc il y a un public de curistes. Mais beaucoup de touristes, de Néerlandais par exemple, de personnes qui viennent pour l'accro-terrasse et qui en même temps découvrent les jardins et peut-être aussi découvrent Plombières, puisque sur la ville de Plombières organise beaucoup d'animations, de visites guidées. Donc les jardins font partie du programme des visites guidées, sont sur des sentiers de randonnée, permettent d'aller de Plombières au Val d'Ajol et d'autres lieux du secteur. Donc voilà, c'est un public, je dirais, très varié, familial, mais aussi des personnes adultes, seules, en groupe, en couple, qui viennent faire un tour au jardin, ou qui viennent pour une animation, pour un concert, qui ont entendu parler des jardins, on leur a recommandé, et qui viennent voir les jardins. En cette période estivale, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait une augmentation de visiteurs ces temps-ci ou pas ? Alors, sur cette année, c'est un petit peu difficile à dire. On tire toujours des conclusions en fin de saison. Et c'est énormément lié à la météo. Donc, période caniculaire, les gens vont venir plutôt en fin de journée. Il pleut, on ne va pas venir à la acro-terrasse. Mais on va dire que globalement, il y a une remontée de la fréquentation puisqu'on a été victime, beaucoup de la période Covid, mais aussi du fait que les cures à Plombières, il n'y en a pas eu pendant 3 années. Donc ce public-là n'était bien sûr pas présent. Mais là, le bilan de l'année dernière, on estime qu'on était remonté au niveau de fréquentation d'avant le Covid, c'est-à-dire on prend 2019 en année de référence. Et quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture des jardins en terrasse ? Alors les jardins, le site, il n'y a pas d'horaire d'ouverture et de fermeture. Par contre, l'acrobranche est ouvert tous les jours en saison, période de vacances, saison estivale. Il est ouvert en début d'après-midi vers 14h et jusqu'à 19h, 19h30. Et lorsque vous réservez, que vous venez avec un groupe, bien sûr, il va être ouvert pour vous le matin. C'est-à-dire que l'acrobranche peut ne pas être ouvert à tout public, mais réservé au groupe à partir du moment où c'est réservé. Et quand vous recevez des scolaires, est-ce que vous pouvez aussi vous occuper d'autres publics ou pas ? Ah, tout à fait, oui. On peut s'occuper d'autres publics. Tout dépend le nombre de scolaires qui sont inscrits sur la journée ou sur la demi-journée. Est-ce que c'est payant les activités ou pas ? À l'acro-terrasse, oui. Les autres activités, non, sont absolument gratuites. Mais l'acro-terrasse, oui, il y a un tarif comme tous les acro-terrasses. Nous allons faire 2 pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Joanne Rich et Georges Moustaki. On se retrouvera juste après sur le 107. Vous écoutez Radio Gemozo. Radio Gemozo. 107.0. Thank you. 107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Écoutez Radio Gemozo. Radio Gemozo 107.0. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Marie-Lise. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de brancher leurs transistors ou leurs autoradios sur le 107. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos choix musicaux, Marie-Lise ? Alors, pourquoi j'ai choisi ces trois extraits ? Déjà, Johann Rich, parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup la musique, c'est quelqu'un qui est venu, qui aime les jardins en terrasse, qui est venu au jardin en terrasse animer des concerts par deux fois. Ensuite, Moustaki, il était un jardin qui s'appelait La Terre, je pense que c'est profondément d'actualité. Et au jardin en terrasse, bah, nous avons bien sûr cette fibre-là, notre sensibilité à l'écologie, au développement durable, et d'une façon beaucoup plus globale, bien au développement humain. Nous sommes une association quelque part engagée. Donc cette chanson, voilà, je trouvais qu'elle convenait bien. Et puis, enfin, Axelle Red, parce que bah, j'ai un peu cherché une voix féminine qui parle un peu jardin, et bon, j'aime beaucoup sa voix. Puis cette chanson qui est intimiste, qui dit jardin, aller s'y cacher, aller s'y retrouver, y vivre quelque chose de personnel, donc voilà. Vous recevez des chanteurs locaux des jardins en terrasse, mais est-ce que vous recevez aussi des chanteurs nationaux ? Alors, nationaux, c'est beaucoup plus compliqué. Je dirais que c'est une question... Enfin, Beltuner, par exemple, et Johan Rich sont connus au niveau national. Chanteurs nationaux, enfin, je ne sais pas ce que vous entendez par là. C'est, je suppose que vous voulez dire des chanteurs connus. C'est plus compliqué, parce que les recevoir veut dire les rémunérer. Et donc, les tarifs de chanteurs nationaux, je pense, ne sont pas du tout à notre portée, sauf s'ils avaient envie de venir faire une belle action bénévole au jardin en terrasse. Et comme groupe locaux, vous avez reçu qui récemment ? Alors, comme groupe locaux, nous avons reçu les Patates Roses. Nous allons avoir un petit groupe local qui autour de Plombières Val d'Ajol. Des jeunes qui font de la musique ensemble et qui viennent nous animer partie. Nous aurons aussi les groupes qui vont venir là sur la fête des jardins. Donc je vous ai dit Épirates, Patates Roses, etc. Voilà, ils sont pas locaux, mais ce sont quand même des groupes du secteur, on va dire du secteur Grand Est. Hormis les concerts, qu'est-ce qui va se passer prochainement au jardin en terrasse ? Les prochains événements, c'est la fête des jardins le 6 août. La fête des jardins, c'est à partir de 11h du matin avec différentes animations, avec des artistes d'art qui viennent montrer leur travail avec des contes, des déambulations et un concert pour terminer à 20h. Bien sûr, avec de la cuisine, on fait de la restauration. Ce sera le jambon au foin qu'on sait bien faire. Donc c'est une journée festive avec bien sûr l'acrobranche ouvert et l'ensemble des jardins à visiter. Et quel genre d'artisan vous allez recevoir le 6 août ? Alors, il y aura une céramiste, il y aura un sculpteur bronzier qui va nous montrer comment il réalise ses cuissons de façon traditionnelle. Et il y aura un troisième artisan qui va venir travailler autour de dessins, sérigraphies, voilà. Et peut-être un vanier, mais ce n'était pas encore sûr. Quels sont vos futurs projets avec l'association ? Alors, nos futurs projets avec l'association, nous avons un gros, enfin c'est plus qu'un projet, puisque c'est déjà bien engagé. Nous avons créé une brigade d'entretien du petit patrimoine bâti, c'est-à-dire essentiellement des murs et constructions en pierre sèche. On a dit jardin en terrasse soutenue par des murs. C'est pas propre qu'à Plombières, mais il se trouve que sur ce secteur de Plombières, Val d'Ajol, etc., il y a énormément de ces constructions qui sont absolument vitales pour maintenir le terrain. Donc leur restauration, leur rénovation, voire à certains endroits la construction de ces murs, c'est une nécessité. Donc la brigade a été formée avec un maître artisan muraillier qui travaille au niveau national et forme des, bon, pas dire des artisans, mais tout du moins des personnes capables de faire ça. Donc la brigade, c'est un encadrant technique, c'est 4 salariés. Et cette brigade-là propose ses prestations à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle répond à des demandes, on fait des devis de rénovation, de restauration. Donc ça peut être aussi bien un mur, mais aussi un bassin en pierre que vous voulez refaire. Ça peut être une cave, une ancienne cave voûtée. Ça peut être, enfin, tout ce qui touche à cette technique de la pierre sèche, qui n'est pas une pierre maçonnée, qui est vraiment une technique ancestrale et adapté au milieu, et en plus très très esthétique, qui fait vraiment partie du patrimoine. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, oui, nous avons le site Facebook des Jardins en Terrasse. Vous avez un site Internet aussi, je crois? Alors, nous avons un site Internet, mais qui est en maintenance. Nous sommes à la recherche. Là, je relance un appel. voilà, si nous avions un bénévole, une personne intéressée, même un jeune, un étudiant qui aimerait, comme terrain d'application, travailler sur la prise en main totale du site, ce serait très bien, parce que ça fait partie aussi de notre futur projet, c'est-à-dire que ce site, il faut le remanier complètement. Donc là, j'appelle les bonnes volontés, ceux qui s'y connaissent. Quelqu'un se disait, ben tiens, c'est un beau challenge de venir, de faire ce site internet, enfin de le recréer, de le remoduler. Eh bien, il sera accueilli à bras ouverts. Un bénévole qui pourrait vous aider à vous faire connaître davantage, du coup. Oui, oui. Même, voilà, quelqu'un qui aura un sens de la communication, qui aimerait développer quelque chose autour de la communication. Je dis un bénévole, mais ça peut être très bien, dans le cadre d'un contrat en alternance, un jeune qui est en formation dans ce domaine-là et qui cherche son terrain d'application, que ce soit sur un stage, que ce soit donc sur une alternance en contrat. On peut être employeur dans ce cadre-là. Et ça, on va s'en occuper sérieusement en contactant des écoles, des centres de formation. Mais voilà, si des jeunes nous écoutent et ont envie de rejoindre une équipe, un projet donc qui tourne autour de l'écologie, de l'animation, et nous apporter cette aide-là, cet aspect-là que l'on maîtrise, soyons honnêtes, pas très bien. Donc, auditeur, si tu veux postuler, il te suffit de contacter les Jardins en Terrasse. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à se développer, parce qu'on est vraiment toujours une association qui n'arrête pas de travailler à se développer, à se maintenir, à proposer sur des choses nouvelles. Donc on peut nous souhaiter que ça. Nous développer, accueillir de plus en plus de public et réussir dans nos missions, dans notre mission aussi, qui est la mission d'insertion. C'est-à-dire que plus, si on amène des gens à reprendre une vie sociale, une vie de travail, dans de bonnes conditions, eh bien, on a rempli une partie de notre rôle. D'accord. Cette émission est maintenant terminée. Marie-Lise, merci d'avoir été avec nous. Eh bien, merci de votre accueil. Merci à vous d'être venue. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.